Parle-moi, parle-moi, j'ai tant de choses à te dire. Aide-moi à ne pas souffrir. La première fois que je l'ai vu, j'avoue que je suis resté bête. J'ai ma propre version de l'histoire de la belle et la bête. Je sais, je pourrais passer pour un négro fragile. Je lui ai fait croire que c'est moi, j'ai rendu Paris magique. J'avais pas un centime, mais beaucoup de sentiments. Des problèmes qui s'empilent, un parcours qui en dit long. Je voyais en elle celle qui allait faire de moi un homme. Un genre de Casanova du ghetto qui fait le love. Parfois j'ai dû mentir, faire le dur à cuire. Et chaque fois j'étais en tort, je crois qu'elle endure. Je parle mal et je m'énerve parce que je suis réservé. Je vois pas ce qu'elle veut dire et je m'emporte. Parle-moi, parle-moi, j'ai tant de choses à te dire. Aide-moi, aide-moi à ne pas souffrir. Aime-moi, aime-moi, j'ai tant de choses à t'offrir. Toi et moi, on va s'en sortir. Au-delà des mots, ou peut-être habitué, il faut que je change, elle va me buter, elle va me quitter. On a du mal à communiquer, je suis complètement niqué. Elle ne sait pas que je suis encore piqué, je pourrais pas l'expliquer. La vérité a un goût amer, le rêve n'est pas bleu. Je dessine l'avenir en couleur sur un petit tableau. J'aimerais tellement lui dire des choses, mais l'orgueil veut pas. Bien sûr l'amour ça rend aveugle, y'a des choses que je vois pas. On a passé le stade des disquettes, je peux plus faire ça parce que mon fils guette. On résout pas tout sur un week-end, mais si tu veux tout savoir, oui je t'aime. Parle-moi, parle-moi, j'ai tant de choses à te dire. Aide-moi à ne pas souffrir. Aime-moi, aime-moi, j'ai tant de choses à t'offrir. Toi et moi, on va s'en sortir. Au-delà des mots. Je suis paumé, mais je ne trouve plus le sommeil. Je parle en langage codé, je ne suis plus moi-même. Oh, parle-moi, parle-moi. Mais j'ai pourtant tout donné, même si j'ai déconné. Oui, sans toi, je suis paumé, mais je ne trouve plus le sommeil. Je parle en langage codé, je ne suis plus moi-même. J'ai tant de choses à te dire.